Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est la belle histoire des trains que Franck Ferrand nous raconte aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Certains de nos plus jeunes auditeurs ont peut-être reçu un train miniature pour Noël, même si c'est vrai que c'est plus tellement la vogue en ce moment, hein, des petits trains. Avec Clive Lemming, grand expert, nous revenons aujourd'hui sur l'histoire du rail et notamment sur les tout premiers trains. Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Joséphine sur l'origine des noms des pâtisseries comme le financier, la religieuse, l'éclair, etc. Voilà, on voit où vont vos préférences en pleine trêve. Rêve des confiseurs. Pour le moment, en voiture tout le monde, notre train va partir. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Certains font remonter les premiers trains à la Renaissance, avec le principe en tout cas de ces chariots qui peuvent se déplacer sur des rails fixes. Il faut savoir que dans les mines de l'Ebertal en Alsace, on est là au milieu du XVIe siècle, aux alentours de 1550, le minerai est extrait et transporté par des wagonnets qui sont donc utilisés. Alors, ce sont des chevaux qui les tirent, ils roulent sur des rails. Les rails, à l'époque, sont en bois. Seulement, on se rend compte qu'évidemment, à force de passer, le bois, ça s'use très rapidement. Il faut assez vite le recouvrir de métal. Cela dit, le véritable berceau du chemin de fer en Europe, c'est la Grande-Bretagne. On est au début du 19e siècle. En 1804 exactement, un certain Richard Trevithick, alors lui, il faut retenir son nom, il est fondamental, il va construire la première locomotive à vapeur. Et cette locomotive se déplace sur des rails. Elle peut parcourir 15 km à la vitesse de 8 km/h. C'est-à-dire que pour faire sa distance, pour faire ses 15 km, il lui faut près de 2 heures, vous imaginez. Et puis, en 1808, la petite sœur de cette première locomotive, qui s'appelle Catch Me Who Can, c'est-à-dire m'attrape qui pourra, et qui pèse 8 tonnes quand même, se déplace nettement plus vite. Elle va à 20 km/h. Les rails en fonte, à ce moment-là, vont être remplacés par des rails en fer. On peut commencer à parler déjà de chemin de fer. 1804, donc la toute première locomotive. 1808, celle qui va un petit peu plus vite. 1813, toujours le même Richard Trevithick, qui met au point Puffing Billy, Billy la haletante, si je puis dire. Alors elle, là, on est vraiment dans une locomotive puissante. Voilà ce qu'écrit Jean Descartes dans son dictionnaire amoureux des trains. Pendant près d'un demi-siècle, la locomotive, c'est elle. Elle est aussi celle qui a connu la première réussite commerciale. Dans la région minière de Newcastle, au nord de l'Angleterre, les ingénieurs Blackett et Headley ont l'idée de l'atteler à des wagonnets de charbon entre les sillons noirs et un port, car le but est d'amener le charbon jusqu'à la mer. C'est une révolution, car auparavant, 16 chevaux tiraient ces trains de minerai, et le chef du convoi n'était pas un mécanicien, évidemment, c'était à l'époque un cocher, bien sûr. Alors, par la suite, c'est également en Grande-Bretagne qu'est inaugurée la première ligne de chemin de fer du monde. On est là en septembre 1825. Hein, entre parenthèses, nous avons toujours, nous, l'image de ces trains qui commencent à sillonner l'Europe au milieu du 19e siècle, dans les années 1850-1860. Mais là, dès 1825, vous avez la première ligne régulière entre le port charbonnier de Stockton et Darlington, qui se trouve à environ 40 km. La locomotive de l'époque transporte donc tout un assez long convoi de voitures pleines de charbon. On pourrait parler là de wagons pleins de charbon. Est inaugurée ensuite, le 15 septembre 1830, la ligne Liverpool-Manchester. Vous voyez qu'on accroît constamment la distance. Ce qu'il faudrait dire aussi, c'est qu'on accroît les dénivelés. On se permet de construire des lignes sur des régions qui sont de moins en moins planes, d'une certaine manière. Donc cette ligne Liverpool-Manchester, 15 septembre 1830, la locomotive fait du 40 km/h pardon, sur cette distance qui, elle, fait 58 km. C'est-à-dire qu'on arrive à peu près à faire le trajet en un peu plus plus d'une heure. D'une manière paradoxale, les locomotives sont à l'époque encore tirées jusqu'à leur point de départ avec un système de cordes. C'est assez étrange. On ne les met en route qu'une fois qu'elles sont sur leur rail prêtes à démarrer. L'inauguration de septembre 1830 est néanmoins un grand événement. C'est le duc de Wellington en personne, vous savez, le grand ennemi de Napoléon, premier ministre du roi George IV à l'époque. C'est Wellington qui va venir inaugurer la ligne. On le fait monter dans une voiture spéciale. Alors, il faut imaginer la voiture, livrée jaune, laquée, comme une diligence, si vous voulez, qui serait un petit peu haute sur ses roues. Et il est accompagné, Wellington. Avec lui sont là des parlementaires, des fonctionnaires, toutes sortes d'invités royaux. C'est à qui montera dans les voitures pour avoir été de ce voyage inaugural. Un voyage inaugural qui va faire parler de lui. Les six voitures, il y a six voitures, elles sont bondées littéralement. Mais très vite, on va constater des accidents. Et le premier accident a lieu tout de suite et il va faire évidemment beaucoup de bruit. Vous pouvez l'imaginer puisqu'un membre du Parlement, de la région de Liverpool est renversé par une locomotive. Sa jambe est coupée, il va mourir à l'hôpital, enfin c'est un drame épouvantable, et on se dit qu'il va falloir augmenter d'emblée la sécurité de ces convois ferroviaires. Et c'est notamment la raison pour laquelle on installe des voies doubles, afin que désormais les trains puissent se croiser. C'était tellement risqué de n'avoir qu'une voie, ce qui aurait évidemment beaucoup facilité les collisions. Donc désormais, des voies doubles, les trains rouleront sur la voie de gauche. Pourquoi la voie de gauche ? Ben, c'est l'habitude en Grande-Bretagne déjà pour les voitures hippomobiles à l'époque. C'était l'habitude pour les cavaliers sur les routes, car vous savez que, faut pas l'oublier, on portait l'épée à gauche et on se servait de sa main droite éventuellement pour se défendre. C'est sans doute la raison de cette façon de rouler à gauche que les Britanniques ont conservée pour les automobiles. Vous le savez, le train en question a un succès fou. Il va embarquer des passagers vraiment très prestigieux, puisque même la reine Victoria finit par le prendre. On est en 1842, et alors vous savez que Victoria tient un journal intime et que par ailleurs, elle écrit de nombreuses lettres, surtout à l'époque à son oncle, le roi Léopold Ier de Belgique. Et voilà ce qu'elle dit au roi des Belges. En une demi-heure, sans être incommodé par la poussière, le bruit et la chaleur, nous avons relié Windsor à Londres. Plus de bruit, plus de poussière, plus de chaleur. Je vous dis que c'est une véritable révolution qui est à l'œuvre. Tortillard sur Europe 1 par l'orchestre de la SNCF. Retour avec vous, Franck Ferrand, à l'histoire des tout premiers trains. Alors c'est bien beau de voir ce qui se passe de l'autre côté de la Manche, mais il serait peut-être temps de se demander comment le rail s'est développé en France. La première ligne mise en circulation en France s'installe en 1827. On en avait parlé, rappelez-vous, lorsque nous avons fait une émission à bord du train européen des municipales, nous parlions justement de cette toute première ligne entre Andrézieux et Saint-Étienne. Elle fait 18 km cette ligne, c'est une ligne tout à fait professionnel, bien entendu. Le but est de transporter, là encore, du charbon. Et au départ, n'oublions pas que le train de 1827, il est à traction animale. Ce sont des chevaux qui tirent les wagons. En 1830, une seconde ligne est ouverte entre Saint-Étienne et Lyon. Les rails sont maintenant à traverse. On les installe sur du ballast et on va se mettre à utiliser la traction à vapeur. Ça change tout avec des locomotives qui sont des locomotives à vapeur Stephenson. En 1832, les premières voitures pour voyageurs sont construites. Ce qui fait que si le berceau du chemin de fer est incontestablement l'Angleterre, la France a suivi de peu et même, disons-le dans cette affaire, de très peu. En 1837, la ligne de voyageurs Paris-Saint-Germain-en-Laye est inaugurée. 1837, on est dans le plein éclat de la monarchie de Juillet. Le roi Louis-Philippe et ses ministres croient beaucoup à ces investissements ferroviaires. Et cette première ligne ferroviaire, construite au départ de la capitale, bien entendu, la première conçue en France pour le transport de voyageurs, la première exploitée exclusivement à l'aide de locomotives à vapeur, va connaître un incroyable succès. Elle fait 19 km de long. Le parcours inaugural a été effectué en 26 minutes. Pour vous donner un élément de comparaison, en diligence, on mettait 2 heures. Et diligence, comme son nom l'indique, c'était une voiture rapide. Donc avec une voiture ordinaire, à cheval, on aurait mis 2h30, 3h pour faire la même distance. Et là, voilà qu'en 26 minutes, tout ça est fait. Et c'est assez spectaculaire, bien entendu. En 1839, la ligne Paris-Versailles, la ligne, alors il y a deux lignes, hein, il y a la ligne rive droite et puis la ligne rive gauche. Celle qui est ouverte là, c'est la ligne Paris-Versailles rive droite. Elle est ouverte aux trains depuis et aux voyageurs depuis la gare Saint-Lazare, qui ne porte pas encore ce nom, bien entendu. D'ailleurs, on ne sait même pas comment baptiser les gares à l'époque. On appelle ça un embarcadère pour le moment. C'est l'embarcadère de l'Ouest. Et puis, on ouvre très vite une deuxième ligne ferroviaire. Cette fois, ce sera Paris-Versailles, rive gauche, et c'est sur celle-là que le 8 mai 1842 a lieu un terrible accident. Ce jour-là, en fin d'après-midi, un train bondé de Parisiens, remorqué par 2 locomotives accrochées, quitte donc Versailles. Les Parisiens étaient venus à Versailles pour assister aux grandes eaux, bien entendu, et la catastrophe est absolument terrible. Il y a 18 voitures et cet accident va entraîner la mort de 55 personnes. Et parmi les 55 morts, il y a le célèbre explorateur Jules Dumont d'Urville, qui avait fait combien de fois le tour du monde pour venir mourir comme ça dans la toute première catastrophe ferroviaire de l'histoire. Et au-delà des 55 morts, il y a une centaine de blessés graves. Et parmi ces blessés, certains témoigneront. Vous imaginez que ça ne fait pas, si je puis dire, une très bonne publicité pour le train naissant à cette époque. Voilà ce qu'écrit Marguerite Yourcenar, dont le grand-père, Michel de Crayancourt, avait été parmi les rescapés de cette catastrophe. Elle écrit ça dans Archives du Nord en 1977, je la cite. Tout à coup, une série de secousses jette les uns sur les autres les voyageurs, moitié riant, moitié effrayés. Un choc énorme, pareil à celui d'une lame de fond, lance les occupants à terre ou contre les parois. Un tumulte fait de métal qui grince, de boiseries qui se rompent, de vapeurs qui sifflent et d'eau qui boue, couvre les gémissements et les cris. Michel Charles perd connaissance. Quand il regagne à moitié conscience, c'est pour sentir qu'il étouffe et tousse dans une atmosphère de four enfumé. Un peu d'air frais semble venir de quelque part. Il ne saura jamais si c'est d'une cloison défoncée ou d'une vitre brisée. Rampant dans l'obscurité suffocante, écartant, repoussant des masses qui sont des corps, accrochant ça et là un bout d'étoffe qui se déchire, il atteint la brèche. Il enfonce la tête et les épaules dans l'ouverture trop étroite, se débat, tombe enfin du trou et roulent dans le remblai. Ce genre de récit, évidemment, n'était pas fait pour encourager les voyageurs de l'époque de la monarchie de Juillet à prendre place à bord de ces toutes premières voitures qui étaient en bois et qu'on avait, dans l'affaire de l'accident de Versailles, qu'on avait eu la mauvaise idée de boucler, de fermer de l'extérieur. Ce qui fait que beaucoup des passagers ont été prisonniers dans la voiture et ont flambé, ont brûlé sur place. Alors, ça c'était sous la monarchie de Juillet. Sous le régime suivant, je passe par-dessus, à pieds joints, par-dessus la Deuxième République, sous le Second Empire, alors là c'est l'apogée du rail, bien entendu. Le rail devient le principal vecteur de toutes les modifications considérables en matière d'industrie, en matière de production dans tous les domaines, mais ça s'étend très loin, en matière même de production artistique et intellectuelle. Le rail devient le moteur, si je puis dire, du Second Empire. C'est pas un hasard si Jacques Offenbach situe le premier acte de sa vie parisienne à la gare de l'Ouest, n'est-ce pas, où débarque un Brésilien décidé à faire la fête. C'est pas par hasard non plus si la Biche situe le premier acte du voyage de Monsieur Perrichon également dans une grande gare. Dans La France en train, Clive Lamming cite un extrait de Paul Nizan, un extrait d'un ouvrage paru en 1933 qui s'appelait Antoine Broyer, et qui parle de l'arrivée du train dans la France profonde. On est là vers la fin du 19e siècle, un peu plus tard quand même. Toute la France, depuis 25 ans, voit passer les trains officiels des inaugurations. Les locomotives à grands tuyaux pavoisés de rubans, de drapeaux, tout leur cuivre brillant comme le métal d'un casque, les wagons encore fidèles à la beauté encombrante des diligences, filent pleins d'invités, de journalistes qui découvrent la France pour la raconter à leurs abonnés sédentaires. Les dames posées au sommet de leurs grosses robes retiennent d'une main gantée de dentelle leurs petits chapeaux et agitent des mouchoirs aux fenêtres encadrées de feuillages verts et de fleurs déjà fanées comme celles d'un train de soldats qui partent pour la guerre. Dans les gares à peine crépies, sur des estrades, des évêques mitrés étincelant dans le soleil comme des insectes à élytres bénissent les trains. Les musiques militaires, assises dans des bosquets de palmiers verts, jouent les airs impériaux. Les poètes chantent les machines. Ah, on y croyait au progrès, on y croyait au chemin de fer. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous continuons à découvrir avec vous, Franck Ferrand, l'histoire des tout premiers trains. Alors dans un instant, en compagnie de Clive Lamming, justement, nous allons revenir sur la façon de voyager en train à la fin du 19e et puis au début du 20e siècle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à cette époque, il n'y a pas beaucoup de confort à bord des trains. C'est le moins qu'on puisse dire. On a une caricature de Daumier, notamment le grand caricaturiste Daumier, avec cette légende « Miséricorde, nous sommes perdus !» Ben oui, on voit des gens complètement bousculés parce qu'il y a eu simplement un freinage un peu brusque. Mais non, c'est tout bonnement le convoi qui se remet en marche. Si la machine va en avant, les voyageurs vont en arrière, c'est connu. Ça paraît, évidemment, pour nous, tout ça est devenu tellement banal, tellement habituel, mais imaginez ce que c'est pour l'époque de monter comme ça sur ces nacelles, dans ces voitures qui démarrent et qui vont très vite et qui coulissent littéralement sur ces rails en vous faisant généralement basculer. Alors, il y a des classes dans les chemins de fer de l'époque, hein, trois même dans certains cas, quatre classes pour certains pays d'Europe. Alors, tout en bas, si je puis dire, la classe la plus nombreuse, mais aussi la moins chère, c'est la troisième classe. Pendant longtemps, on a carrément été, jusqu'à la fin du Second Empire, on était dans un wagon à ciel ouvert, qu'on accrochait généralement à un train de marchandises. Et là, les gens s'entassaient, bien entendu, il n'y avait aucun chauffage, ai-je besoin de vous le dire. D'où l'expression des tombereaux découverts ou des tombereaux ouverts. Vous savez, l'expression rouler à tombeau ouvert, ben, ça vient de là. Les conditions de voyage sont si difficiles que des campagnes sont menées pour que les wagons soient enfin munis d'un toit, de rideaux sur les côtés en cas de soleil, et puis tout ça va se faire progressivement. Voilà ce qu'on peut lire en 1868 dans Le Petit Chose d'Alphonse Daudet, rappelez-vous. Il raconte son voyage de deux jours en troisième classe. « Je passais ces deux jours à la même place, immobile entre mes deux bourreaux, la tête fixe et les dents serrées. Comme je n'avais pas d'argent ni de provisions, je ne mangeais rien de tout la route. Deux jours sans manger, c'est long. Le diable, c'est qu'autour de moi, on mangeait beaucoup dans le wagon. J'avais sous mes jambes un grand coquin de panier très lourd, d'où mon voisin l'infirmier tirait à tout moment des charcuteries variées qu'il partageait avec sa femme. Eh oui, ça c'est le voyage en troisième classe. Alors, pour ceux qui avaient un petit peu plus de moyens, on allait en deuxième classe. Là, vous pouviez vous asseoir un peu plus confortablement. C'était des voitures qui longtemps ont été connues sous le nom de char à bancs. Ces deuxième classes, elles se sont considérablement améliorées pendant le Second Empire, justement. On a eu des voitures qui étaient entièrement fermées, éclairées, petit à petit chauffées. Là, ça devient nettement plus intéressant. Garnies de vitres, hein, bien entendu, c'est ce qui explique qu'on ait pu les chauffer. Donc, c'était déjà des conditions de voyage un peu moins rude. Et puis alors, il y avait les voyages en première classe. Alors ça, c'était nettement mieux. Au début, ces voitures, les voitures de première classe sont réservées bien sûr à l'usage des passagers qui en ont les moyens. Ce sont des voitures très luxueuses pour certaines d'entre elles. On les appelle d'ailleurs, comme par hasard, on les surnomme les financières, celles-là. Donc vous voyez le genre de personnes qui montent à bord des premières classes. Alors, le contraste est d'autant plus grand que là, effectivement, rien n'est ménagé pour assurer le plus grand confort et même un certain luxe aux passagers, avec une sellerie tout à fait magnifique, des sièges capitonnés en soie, en velours pour l'hiver. Les voitures sont ornées de petites lampes, de rideaux, etc. Elles sont les toutes premières voitures chauffées dans l'histoire des chemins de fer, bien entendu. Au départ, dans les années 1840, c'était un système de chauffage par bouillotte qu'on glissait sous les pieds des voyageurs au cours des haltes et qu'on retirait et qu'on changeait à mesure qu'elle refroidissait, bien entendu. Bon, ça reste quand même très mal éclairé, ces voitures de première classe, et il n'est pas rare que certains voyageurs apportent leur propre bougeoir et allument leur bougie pendant le trajet pour y voir un peu mieux et pour lire, tout simplement, si tant est que les secousses du voyage vous permettent de lire à cette époque. Le confort est, vous l'aurez compris, très relatif. Le 19 août 1856, Napoléon III, son épouse, l'impératrice Eugénie, et leur fils, le prince impérial, partent pour la première fois ensemble pour Biarritz. Alors, ils sont dans la voiture impériale, qui est une des plus luxueuses de l'époque, bien entendu. Les fenêtres à guillotine sont étroites, la poussière est importante, la table du dîner est trop petite, l'éclairage est trop faible, si l'on en croit en tout cas les témoignages de la cour de Napoléon III. Mais enfin, quand même, c'est une façon de voyager qui n'a rien à voir avec ce que pouvaient proposer autrefois les voitures hippomobiles. Donc, ces premières classes vont avoir un certain succès, même si elles sont chères, même si elles sont assez peu confortables. Ce n'est que dans la deuxième moitié du 19e siècle que le réseau de chemin de fer européen étant beaucoup plus développé, un peu à l'image de ce qui se fait aux États-Unis d'ailleurs, car le grand pays de développement du rail à cette époque-là, ce sont les États-Unis. C'est donc dans cette deuxième moitié du 19e siècle que le train va prendre réellement son essor. Et puis alors, à partir de 1980, on dispose des grands trains modernes, ces grands vapeurs qui vont sillonner l'Europe, faire la célébrité d'un certain nombre de voyageurs et la fortune d'un certain nombre d'écrivains. Ce sont eux dont nous parlons dans un instant avec Clive Lamming. Bonjour Clive Lamming, vous avez écrit un très beau livre, qui est un livre-objet, hein, qui est plein de petits souvenirs, il faut ouvrir les soufflets, les pochettes, et c'est toute l'histoire vivante, j'allais dire quasiment vécue du rail que vous nous racontez depuis 1880. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Un petit train s'en va dans la campagne. Un petit train s'en va de bon matin. On le voit filer vers la montagne. Chichifou, chichifou, plein d'entrain. Dans les prés, il y a toujours des vaches. Étonné de voir encore passer ce petit train qui lâche des panaches. Chichifou, chichifou, de fumée. La garde barrière agite son drapeau rouge pour dire bon voyage aux vieux mécaniciens. Mais dans les wagons, nul voyageur ne bouge, car ils prennent tous le car et le train ne sert à rien. Le petit train qui veut croire au miracle, l'air de rien s'en va en sifflotant. Et les veaux, admirant le spectacle, chichifou, chichifou, sont contents. Hélas, il y a des gens qui trouvent que c'est exagéré de donner tant d'argent pour qu'un petit train aille se promener. Alors ils lui ont dit, cette fois c'est bien fini, profites-en, c'est ta dernière sortie. Un petit train s'en va dans la campagne. Un petit train s'en va de bon matin. on le voit filer vers la montagne. Chichifou, chichifou, plein d'entrain. Il revoit les champs et les rivières et les bois qui sentent bon l'été. Il revoit toutes les humbles chaumières. Chichifou, chichifou, dans les prés. Le train ralentit près de la garde barrière et le mécanicien la salue de la main. Elle voit le feu rouge du wagon arrière qui s'éloigne doucement et se perd dans le lointain. Le petit train a perdu la bataille, c'est la fin de ses belles flâneries. Il s'en va vers le tas de ferraille. Chichifou, chichifou, c'est fini. Mais plus tard, lassé des grands voyages, nous penserons souvent au petit train qui flânait parmi les verts bocages. Chichifou, chichifou, nous le regretterons bien. Le petit train d'André Claveau sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi de la France en train, avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Clive Lemming, historien du chemin de fer, auteur de La France en train, justement aux éditions Les Arènes. La France en train, ce titre est explicite, Clive Lemming. Il nous dit bien que toute une population se met dans les années 1880 à prendre le train. Là, c'est le voyage de masse, d'une certaine manière. Effectivement, vous savez que la catastrophe de Meudon a surtout eu pour avantage de faire une publicité énorme au chemin de fer. On a réalisé d'un seul coup, dans un train, oui, il y avait 900 personnes dans ce train, alors que les diligences transportaient 10 personnes. Et la France se met à voyager. La plus belle époque, effectivement, va durer sous le Second Empire. Mais savez-vous que déjà, à partir de 1880, les choses commencent à se gâter. Déjà, on s'aperçoit que les chemins de fer coûtent cher. Et la nationalisation du réseau ferré est déjà au programme de l'Assemblée nationale, qui ne mettra que 50 ans pour le faire en 1937. Oui. Autrement dit, les lumières de la fête s'éteignent, mais vous savez, les fêtes qui s'éteignent sont souvent les plus belles fêtes. Et le chemin de fer va prendre à la fois une luminescence, une beauté dans le luxe et le confort, parce qu'il est en train de mourir et il cherche à gagner au maximum les faveurs donc de la population. Les plus désespérés sont les champs les plus beaux. Alors, absolument. Il y a quand même dans ces années 1870-1880, une foi dans le progrès qui s'accompagne d'un développement économique, financier, industriel considérable. On est en train de transformer le paysage. Ça commence comme ça, la révolution du rail. C'est qu'on voit les campagnes se transformer pour accueillir les voies ferrées, tout simplement. Oui, le chemin de fer est surtout né, vous savez, pour transporter le charbon et l'industrie. Or, cette France, à la fois agricole et extrêmement riche, surtout l'ouest de la France est très riche, ne donnera pas grand-chose au chemin de fer. Finalement, il y a une batellerie en France, très très puissante, et il y a un roulage. Et la France a un des meilleurs réseaux d'Europe, à ce moment-là, en route et en bateau, et elle accueille plutôt tièdement le chemin de fer, on investit prudemment. Ce n'est donc pas un retard français, je dirais presque que c'est un excès de progrès pour la France. Et le chemin de fer, finalement, transportera surtout de l'industrie, ce qui fait que l'axe de la richesse ferroviaire, ce sera Lille, Paris, Lyon, Marseille. Et c'est-à-dire voilà. Cet axe qui est beaucoup plus à l'est de la France, et l'ouest ne fournira que très peu de choses au chemin de fer, à un point tel que les réseaux de l'ouest vont être déficitaires en 1878, et que l'État va être obligé d'acheter des lignes. C'est ça, c'est que ce qu'il faut bien préciser, c'est que toutes ces lignes, oui, au départ, sont des lignes privées, bien privées. Entendu. Hein. Privées. Et elles sont indépendantes les elles unes des autres. Elles sont indépendantes et concurrentielles. Et là, on s'aperçoit, c'est un chemin de fer à l'anglaise, finalement. Les Anglais ont rendu à l'Europe le service d'être un laboratoire du privé. Et là, la France s'engage dans cette voie jusqu'à ce que Napoléon III, dans une réelle sagesse, finalement, confie à l'État le soin de fixer les règles, de répartir, de concéder et d'équilibrer. Avec un développement du nombre de kilomètres de voies ferrées, c'est considérable. Hein. C'est 25 000 en 70, c'est ça, 1870. Et on va arriver jusqu'à 70 000 en 1930. Ouais, et à nouveau, on va perdre. Aujourd'hui, c'est dans la 30 000. C'est-à-dire que l'apogée, c'est effectivement bien 1930. Oui, mais sûr. L'apogée d'un système qui tourne déjà très difficilement. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on pouvait... alors moi, j'ai connu ça un tout petit peu quand j'étais petit. Évidemment, je n'ai pas connu les années 1930. Mais on pouvait aller dans de tout petits villages avec... Alors on prenait une petite Micheline, après quand on arrivait dans un bourg un peu plus gros, on prenait un petit train, et puis le petit train vous amenait au grand train qui lui faisait les grands axes. Mais le train innervait, desservait la moindre campagne, ce qui n'est plus du tout le cas malheureusement. C'est puisque maintenant même même certaines vraies lignes maintenant sont desservies par autocar, ce qui est, entre nous soit dit, assez scandaleux, mais enfin ça c'est un autre sujet. Alors, qui dit voie ferrée, qui dit train, dit également gare. On voit des gares fleurir partout, dont certaines ont des architectures somptueuses. Il s'agit surtout, avec ces très belles gares, comme les gares de Paris, de rassurer les actionnaires. Le chemin de fer commence à faire douter de sa prospérité vers la fin de Napoléon III, et on va donc faire des gares somptueuses avec des très belles statues. Ce sont des femmes plantureuses et prospères. L'une dit « je suis Lille » sur la gare du Nord, l'autre dit « je suis Hasbrook ». Enfin, elles rivalisent ces femmes pour rassurer des actionnaires qui pourtant sont des gens tout à fait raisonnables. Ils se contentent d'un 4%. En apparence. 4%. Ah si, 4%. Pour eux, c'est déjà un très bon placement de père de famille. Mais malheureusement, la crise des années 1920 va finalement réduire ces 4% à rien du tout. Et ce sera même un déficit perpétuel que les compagnies vont être obligées de traîner derrière elles jusqu'en 1937. Alors si le train pendant longtemps n'a pas très bonne réputation, c'est parce qu'une majorité importante des passagers, des voyageurs, emprunte la fameuse troisième classe dont je parlais. C'est-à-dire que la première classe, c'est vraiment réservé à très peu de monde en vérité. Il suffit de mettre un peu de dentelle pour pouvoir doubler le prix du billet, c'est ce que disait le gestionnaire du réseau à l'époque. Le luxe rapporte, aujourd'hui toujours d'ailleurs, ça n'a pas changé. Mais alors, le peuple est très sage et voyage en troisième classe, c'est de l'ordre de 93 à 95%. C'est-à-dire qu'il n'y a personne en seconde classe intermédiaire. Il y a une voiture de première classe. Parfois, il n'y a même pas de deuxième classe. La deuxième classe, c'est la bourgeoisie moyenne. Dans le fond, les parents de Proust voyagent en seconde. Ils ne vont pas se mélanger avec l'aristocratie. Il n'est pas fréquentable, mais encore moins avec le peuple dont la promiscuité est insupportable. Donc, la classe vertueuse, la deuxième. C'est la classe vertueuse et intermédiaire, toujours. C'est le centrisme. C'est le midi. Et le sud est en même temps le centre, vous voyez, de toutes choses. Alors, les extrêmes sont en première, que très peu, et surtout en troisième. Alors, les trains se mettent à rouler de plus en plus. Alors, confortablement, d'une part, hein, ça vibre un peu moins, ça fait un peu moins de bruit, ça dégage toujours autant de vapeur, évidemment, et ça sent le charbon, ça c'est incontestable, absolument. Et ça fait de la poussière. Mais quand même, ça roule surtout de plus en plus vite. Napoléon III est obligé de limiter la vitesse des trains à 120 km/h. C'est considérable. Décret de 1855 concernant les locomotives Crampton. C'est-à-dire que la Crampton à l'époque, c'est le TGV de ce moment-là. Incroyable. Les diligences font du 12 à l'heure, les trains font du 120. Savez-vous que si vous alliez faire un reportage à Marseille pour Europe 1 en 1830, vous seriez parti 40 jours, 20 jours aller, 20 jours retour. Le train permet de faire en heure ce qu'on fait en jour, c'est-à-dire qu'on va 24 fois plus vite, et le TGV d'aujourd'hui, qui ne met que 3 heures, ne va que 7 fois plus vite. Le grand bond en avant pour toute l'humanité, c'est bien 1850 quand les trains roulent en heure à la place de jour. Et le train devient le lieu même de l'imaginaire, beaucoup. Alors dans les années 1950, Michel Butor écrira La Modification, hein, qui est une sorte d'apologie du rail en quelque sorte, mais il y a avant cela, j'ai cité Le Petit Chose tout à l'heure d'Alphonse Daudet, il y a de nombreux auteurs qui vont nous raconter leurs voyages en train. Le plus célèbre, vous m'avez apporté ce texte que je connais, j'allais dire par cœur, mais qui est merveilleux, qui est le texte dans le dernier tome de La Recherche du Temps Perdu, hein, de Marcel Proust, où le narrateur prend véritablement conscience de sa destinée, et ça se passe comme par hasard, alors qu'il est en train de rentrer en train. Il dit: l'autre jour, en revenant en chemin de fer, notre train longeait une vallée qui passe avec raison pour une des plus belles de France. C'était à 5h du soir, le train s'était arrêté. Je pouvais contempler les arbres sur lesquels le soleil de 5h du soir donnait jusqu'à une certaine hauteur de leur tronc, et dans le ruisseau qui un moment longeait la voie, je voyais une telle variété de fleurs, de mousses mêlées à de beaux reflets du ciel, qu'on avait l'étonnement de voir que les plus artistiques spectacles décrits par la littérature se trouvent en effet dans la réalité sur une voie de chemin de fer. Les plus artistiques spectacles de la littérature sur une voie de chemin de fer. Ça nous surprend aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir lu avec tant de talent ce passage de Proust. D'ailleurs, Proust réalise dans un train que tout ce qu'il écrira sur les paysages et le monde extérieur n'intéressera personne. Et c'est dans le train qu'il réalise que ce qu'il écrira sur ce qui se passe en lui, ce sera son destin. Ce sont les lignes qui viennent juste après, Ce sont les lignes qui viennent après, où il dit finalement, je n'intéresse personne en parlant de ce paysage. Et vous savez qu'il range son petit carnet allongé dans sa mallette, et il s'arrête d'écrire comme le train s'est arrêté. Et quand le train repart, ce n'est plus le même Marcel. Marcel est devenu Proust. C'est ça, exactement. C'est une transfiguration à cause d'un arrêt. C'est l'éclosion d'un auteur. C'est l'éclosion d'un auteur. Et d'une conscience. Et d'une conscience. Et tout ça, c'est sur cette translation ferroviaire. C'est ça qui est comme si le train servait à accoucher, en quelque sorte, d'un certain nombre pour de... Pour Marcel, qui est souffreteux et craintif, le train est d'abord un cocon. Vous savez, c'est un œuf maternel qui le protège. Et il contemple toujours ce paysage à travers cette vitre qui le protège. Et le train, pour lui, c'est l'objet de mille souffrances. Quand il va à la gare Saint-Lazare, il dit « J'entends déjà les clous que l'on fait pour ma croix. » Il entend sa crucifixion avec les bruits des trains. Il est horrifié, terrorisé. Et une fois qu'il est dans ce ventre maternel, c'est un homme heureux et détendu. Et la Madeleine de Proust, la plus belle Madeleine de Proust, c'est l'odeur des rideaux de la Compagnie de l'Ouest que sa grand-mère tirait sur sa figure pour le faire dormir. Et ces rideaux sentent le vieux tabac, l'huile, le charbon. Et pour lui, c'est une madeleine ô combien plus puissante que celle de tante Léonie. C'est le fumet d'une enfance heureuse, en fait. Oui. Absolument. Oui. Et c'est la promesse en même temps du voyage, la promesse de la découverte. Combien de destinées dans tous les domaines, et je pense notamment chez tous ceux qui épousaient des carrières commerciales, combien de destinées ont été modifiées par le train dans ces années, on va dire à la belle époque, en fait. Époque, hein. D'ailleurs, le cinéma là, n'a pas manqué d'illustrer. Vous savez, les relations entre le cinéma et le chemin de fer sont d'une richesse extrême. Il n'y a pas que la bête humaine. Il n'y a pas que la bête humaine. Surtout. Et alors, finalement, le train apparaît comme étant un lieu à la fois de rencontre, de brassage, de souffrance et de joie. Alors, on se moque volontiers du bourgeois de la biche qui court prendre son train, lui qui est habitué à la diligence qui donnait rendez-vous au lever du soleil. Là, c'est 12h51. Ah oui, et à 52, c'est raté. Eh oui. Alors là, on se moque de lui, mais en même temps, le train est, je dirais, une machine à transporter en masse et à brasser les destinées. Donc, vous savez, si les Français aujourd'hui ont un quart parmi eux de sang étranger, c'est bien les chemins de fer qui ont brassé ces hommes et qui ont brassé tout ce mouvement. Et s'ils ont une pendule dans la tête, si je puis dire, c'est en partie à Elle cause de ces trains SNCF. Qui les ont habitués, en quelque tout sorte, à être partout à l'heure. Sinon, mais on rate le train, c'est tout simplement. 12h59, c'est pas 13h. Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1. Ce sont les trains qui sont au cœur de l'histoire cet après-midi. Et vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité Clive Lemming, historien du chemin de fer, auteur de La France en train aux éditions Les Arènes. Nous parlons avec vous, Clive Lemming, de trains de plaisir, de trains de voyage, de trains qui modifient la destinée des gens et qui leur ouvrent d'incroyables horizons à travers cet ouvrage, La France en train. Vous nous montrez alors toutes sortes, il faut expliquer comment vous avez conçu ce livre. C'est presque un livre de souvenirs et d'hommages. J'appelle ce livre très volontiers un livre d'agrément parce qu'il se veut agréable. C'est une commande de l'éditeur et ce livre s'insère dans une collection dont le cahier des charges est extrêmement précis, 1880-1980. Il faut aussi beaucoup l'éditeur littérature. Sont les arènes. Hein. Oui, c'est les éditions des arènes, on peut les nommer. Et Marie-Hélène Westphalen, qui a fait le livre avec moi, est une véritable femme de lettres qui a donc eu le courage d'aller lire des quantités de livres pour extraire ces que moi-même je n'aurais plus faire, vous voyez. Donc je rends hommage à Marie-Hélène. Et en même temps, l'éditeur donc voulait que je fasse un chemin de fer vivant, charnel, qui parle à tous les sens. Et comme j'ai chez moi une quantité de vieux papiers, de vieilles choses, vous savez, j'ai des cartes, des billets, photos, des toutes sortes de choses. J'ai tout déballé ça, j'ai emmené tout ça aux arènes. Et puis on a fait un livre avec tout Ils ça. Ils ont fait des facsimilés. Ça, c'est beaucoup magnifique, de facsimilés. Oui. Alors, bien entendu, par des rapport affiches, aux livres. Des photos, que, des tickets. C'est cela. Par rapport aux livres que j'écris habituellement, qui sont très techniques, extrêmement fournis, je me suis surpris là à écrire un livre complètement différent. J'avais même peur d'y perdre ma réputation parce qu'on s'est dit, voilà, il fait dans le léger maintenant. Ah non, mais je vous rassure, non seulement vous ne la perdez pas, mais c'est vraiment un très beau livre. Il est magnifique. Qui est une machine à rêver, en vérité. Il est dû au talent de Julie Desfontaines qui a fait la mise en page avec une sensibilité, je dirais, tout à fait talentueuse. Alors, il n'y a pas que des trains de plaisir, il y a beaucoup de trains utilitaires. Vous nous avez dit que pendant longtemps, la France a un peu rechigné à utiliser le train pour le transport des marchandises. Elle s'est rattrapée par la suite, hein, il faut le dire. Elle s'est rattrapée avant de perdre ce marché, puisqu'aujourd'hui, vous savez que le réseau français est un des seuls au monde à être très spécialisé dans les voyageurs. Oui, oui. Mais par exemple, les réseaux américains, vous avez cité tout à l'heure les États-Unis, transportent 80% des marchandises, alors qu'en Europe, c'est à peine 10%. Tout est sur la route. Autrement dit, le train, malheureusement, a perdu les marchandises pour des questions finalement de taxation, d'économie. Et de rigidité syndicale, il faut le dire. Aussi, il faut le dire. Et puis aussi le fait que l'État, par les lois sur la coordination de 34, a vraiment encouragé le transport sur route. Le camion allait plus vite, le camion allait de porte à porte. Et finalement, le camion qui était avant un complément du chemin de fer vient son remplaçant. Alors il y a des trains qui servent aussi à acheminer les troupes, il ne faut pas l'oublier, car il y a eu de grandes guerres pendant ces périodes. La guerre de 1870, surtout celle de 1914, où le train a joué un rôle absolument essentiel. Et puis la Seconde Guerre mondiale encore, bien sûr. 1914, effectivement, le train joue son dernier grand rôle essentiel, à la fois de concentration des troupes, et on dit dans la Seconde Guerre mondiale... sanitaire, très important. Les trains sanitaires, et dans la Seconde Guerre mondiale, ce sera surtout l'aviation qui va donc jouer un rôle. Elle s'est montrée pendant la Première Guerre, elle se consacrera pendant la Deuxième Guerre à faire le triomphe. Le chemin de fer n'est pas très bon comme militaire. C'est finalement un artisan de la paix, du commerce. Mais sur le plan militaire, le chemin de fer est fragile. C'est vite fait de couper une ligne. Donc c'était très compliqué, ces trains. Il faudrait aussi parler d'ailleurs des trains blindés soviétiques. Savez-vous que la révolution bolchevique s'est faite à coups de trains blindés? On est allé convaincre les camarades et les petits frères des alentours, comme la Finlande, à coups de trains blindés. C'était des véritables bateaux avec des canons qui roulait, finalement, et le train blindé soviétique était redoutable. La dialectique a progressé. On pourrait refaire une histoire contemporaine à travers le train, ce serait assez fascinant d'ailleurs, mais vous l'avez fait en partie, vous. Oui, on pourrait la faire, vous savez, il n'y a pas de limite à l'histoire contemporaine. Pour revenir à la France et à l'organisation des chemins de fer en France, ce qui va tout changer, c'est la nationalisation, c'est la création de la SNCF. Il faut expliquer comment ça s'est fait, ça n'est pas du jour au lendemain déjà, pour commencer. Ça traîne depuis 1878, voilà. Où l'État est obligé de reprendre ses chemins de fer. Ça bloque parce qu'il faut indemniser les actionnaires. Ah, donc ça traîne jusqu'en 1937, où à ce moment-là, le Front populaire met le poing sur la table et en 3 semaines, la SNCF est créée. Avec René Maillère, qui est un fondé de pouvoir des chemins de fer, un homme politique qui est assez astucieux. Il a utilisé le modèle d'Air Union à l'époque, qui est dans l'Air France, et Société Nationale des Chemins de Fer Français, il rassure tout le monde, Société pour les actionnaires, Nationale pour la France, les chemins de fer, parce qu'on sait bien que ce sont pas des routes, etc., et Français, ça vient colorer, donner une petite couleur tricolore, et cette SNCF est un nom magique. Jusqu'à présent, on n'a jamais changé. On ne l'a pas touché. C'est un consensus national. Même toutes avec les sensibilités s'y retrouvent. Toutes les révolutions, et notamment, révolutions, notamment celle du TGV, c'est resté la SNCF. Ces 4 lettres sont restées. Tout au plus, on lui enlève parfois son article. On dit SNCF. Oui, c'est parce que c'est devenu une marque. Oui, presque un nom, presque un nom commercial. Presque un nom commercial. Ouais. Comme cette SNCF devient en quelque sorte tentaculaire en France, avec un monopole, il ne faut pas l'oublier, il y a toute une culture du rail, toute une culture du cheminot qui se développe. Ça, il faut le dire, c'est une belle et intéressante culture. Oui, absolument, Franck Ferrand. Le cheminot est un être à part que l'Église refuse de bénir et de marier parce qu'il travaille le dimanche et la nuit. Ça ne se fait pas sous le Second Empire. Et il va devenir complètement marginal par rapport aux villes. Il est logé dans des cités cheminotes. Il fait peur aux bourgeoisies des villes. Il fait peur aux bourgeois. Il a ses propres coopératives. Il ne va pas donc à l'église. On se marie entre cheminots. On se marie même entre gens de la voie et gens de la traction. Il n'y a pas de mésalliance de l'une à l'autre. Donc c'est un monde complètement clos, fermé, très fortement par les syndicats, parce que c'est un syndicalisme d'origine minière. C'est-à-dire un syndicalisme très fort que Zola n'aurait pas désavoué. Mais vous savez-vous que les premiers cheminots, quand même, sont responsables pénalement du train. S'ils déraillent, ils doivent tout rembourser. La locomotive, les etc. Ils conduisent un pied en prison et l'autre sur la locomotive. Ah, oui. Donc c'est à cause de cela que finalement le syndicalisme cheminot se développe sous une forme extrêmement forte. Oui. Mais les grèves de 1910 ne sont faites que parce qu'on avait octroyé aux cheminots des très bonnes conditions, mais elles n'étaient pas octroyées à tout le monde. Elles n'étaient pas rétroactives pour ceux qui travaillaient déjà. Donc ça a fait une véritable poussière sociale qui n'a jamais cessé. Et vous nous l'avez dit, il y a une spécificité du transport de voyageurs en France. Ça va exploser avec les fameux congés payés du Front Populaire en 1936. Absolument. Et puis surtout après la Seconde Guerre mondiale. Alors là, c'est la période des vacances. Il y a cette espèce d'exode quasiment estival. Là, le train joue un rôle essentiel. Absolument, cet exode en tandem. Ce tandem qu'on met dans le fourgon. Et alors, absolument, cet exode en camping. Et alors, tous ces trains déversent sur la Côte d'Azur des milliers de gens. Cette Côte d'Azur qui est une garden party, où l'on se sent entre gens bien, disait le roi Edouard VII. Eh bien voilà, d'un seul coup, la garden party est plutôt troublée par des tas de gens qui arrivent en maillot et qui saucissonnent sur la plage. Et là, le chemin de fer sur la Côte d'Azur, on lui en voudra beaucoup. Oui, bien parce sûr. Que finalement, c'est la fin d'un monde, d'un paradis. Et en même temps, sont maintenus un certain nombre de grands trains qui vont faire la célébrité des chemins de fer. Alors, la flèche d'or, le drapeau, le train bleu, etc., qui sont express. Les grands trains des années 20 et 30, qui seront repris ensuite à la fin des années 50 avec de nouveaux trains un peu moins luxueux, mais toujours aussi modernes et qui sont en quelque sorte à la pointe du progrès, il faut le dire quand même. Le Capitole qui roule à 200 à l'heure dès 1970. Mistral et de ce Capitole que les gens de Limoges regrettent toujours, ils ne l'ont plus, ce beau train rouge. Ils ont une belle gare, mais ils n'ont plus de train. Et voilà. Enfin, ils ont une belle gare qui ne se plaignent pas. Alors, donc les trains. C'est l'une des plus belles gares de France, il faut dire. Même si le centre du monde reste la gare de Perpignan, si j'en crois Salvador Dali. Absolument. Dali, et d'ailleurs, il y a un hôtel qui s'appelle le centre du monde qui est dans la gare. Donc, effectivement. Donc, les trains de l'époque sont, effectivement, je dirais, extrêmement modernes, extrêmement perfectionnés, extrêmement lourds. Et ils vont peu à peu se vider. Les trains de luxe que vous avez cités comme le train bleu vont être vidés par l'avion, finalement. Et beaucoup plus que l'automobile, vous voyez. L'automobile ne videra pas beaucoup les trains jusque dans les années 60, où à ce moment-là, ça se démocratise. C'est la 2CV et la 4L qui vont certainement faire le plus de mal à la SNCF avec son vert wagon. Elle est bien triste, un peu en retard. Alors, c'est là qu'elle va innover, faire du rouge, faire des trains de couleur. Les voitures corail vont faire revenir au train avec l'aide des émirs. Le choc pétrolier 73 va quand même ramener vers le train beaucoup de gens. Il y a trois choses qu'on ne vit plus maintenant lorsqu'on arrive dans une gare et lorsqu'on monte à bord d'un train, ce qui devient presque un acte banal. C'est un peu dommage. Aujourd'hui, je prends beaucoup, beaucoup le train pour tout vous dire et on monte dans un TGV, on n'y fait même plus attention. Parfois, on est même en pleine conversation téléphonique, on ne se rend même pas compte qu'on est monté à bord. Alors qu'avant, d'abord, il y avait un dénivelé très important. Il fallait monter à bord du train. Il y avait une espèce de dureté dans les matériaux. Ça sentait un peu le caoutchouc fumé. On appelait le train le dur. C'était dur. C'était de l'acier, dur. Et puis ça faisait beaucoup de bruit avec le bruit des mortaises qu'on entendait comme ça. Ça a duré jusqu'au début des années 1980. Aujourd'hui, on a quasiment oublié ça, que le train faisait ce bruit. Et lorsque vous ouvriez une fenêtre dans un train, vous ne pouviez plus parler tellement ça faisait de bruit. Il faut dire ça. Quand on faisait des soufflets, il fallait avoir un courage pour affronter ces courants d'air et ces deux plaques en métal strié qui n'étaient jamais en face l'une de l'autre. Donc on s'y prenait les pieds. Donc effectivement, le train était toute une aventure. Il s'est adouci, il s'est civilisé parce que évidemment, nous sommes des gens, principe de précaution. Et sécurité oblige, nous ne voulons plus affronter les éléments. Les éléments doivent rester sagement à la porte et en attendre. Et puis j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le troisième changement, c'est celui de la fin de la vapeur. Arrive l'électricité d'un seul coup. Ce sont tous ces beaux nuages de vapeur qui se teintaient partout d'une nostalgie d'abandon et d'adieu qui disparaissent en quelque sorte. Les comptables, vous répondrez, ils sont toujours tristes les comptables et ils plombent l'ambiance. Mais si le locomotive à vapeur avait un rendement de 4 à 5% sur 100 kg de charbon brûlé, il n'en est arrivé seulement que 4 aux crochets de traction. La locomotive électrique a un rendement de l'ordre de 60-70%, qui est absolument considérable. Bien sûr, les caténaires chauffent un peu les fleurs et font pousser. Il y a beaucoup de pertes en traction électrique. Ne croyons pas que le train électrique ne soit pas polluant et gaspilleur, mais vraiment, c'est l'efficacité. Et aujourd'hui, nos trains roulent à l'électricité, tant mieux pour eux. On n'arrête pas le progrès, que voulez-vous, Clive Lamming. Vous le montrez très bien, d'ailleurs, dans cet ouvrage qui est un livre-objet, un livre-cadeau. Ça s'appelle « La France en train » avec Marie-Hélène Westphalen, mise en image par Jérôme Pecknard, et c'est édité par Les Arènes. Merci beaucoup de nous avoir fait rêver au train qui faisait encore tchou-tchou. Merci beaucoup. Et puis j'en profite d'ailleurs pour vous signaler dans la même collection, toujours édité par Les Arènes, un livre-objet sur les ouvriers dans la France des usines et des ateliers. C'est signé Xavier Vignat. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Joséphine. Elle souhaite connaître l'origine du nom du financier aux amendes. J'en profite également pour rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent, comme Joséphine, nous envoyer leurs questions pour notre retour aux origines par mail sur europe1.fr ou comme l'a fait Joséphine sur la page Facebook de l'émission. Alors, la question de Joséphine, c'est donc le financier. Pourquoi parle-t-on d'un financier aux amandes? Figurez-vous qu'on attribue l'invention de ce petit gâteau à un pâtissier du nom de Lasne, L-A-S-N-E. En réalité, il n'a fait que remettre le gâteau au goût du jour dans les années 1890, car la pâtisserie en question, elle existait déjà. Elle avait été inventée, semble-t-il, par les sœurs de la Visitation, les Visitandines. Il était, ce pâtissier Lasne, installé dans le quartier de la Bourse. Donc, sa clientèle se composait en partie et de façon très spectaculaire de financiers. Le pâtissier a donc décidé de réhabiliter la fameuse pâtisserie des Visitandines, qui était facile à manger, qui ne salissait pas les doigts, qui était très agréable, idéale pour une clientèle pressée et en costume trois pièces. En bon commerçant, il décide donc de changer la forme parce qu'au départ, le financier était ovale. Le petit financier va adopter, c'était trop beau, ça évidemment, il va adopter la forme d'un lingot d'or. Et d'ailleurs, à l'époque, il était disposé à l'envers par rapport à ce que nous connaissons maintenant. Alors, il y a d'autres pâtisseries comme ça qui cachent une histoire derrière leur appellation. Je pense au Paris-Brest, j'ai eu l'occasion de le dire déjà. C'est en 1910 qu'un pâtissier de Maison Lafitte a élaboré sa fameuse couronne de pâte à choux fourrée d'une mousseline pralinée, un dessert gourmand élaboré en l'honneur de la célèbre course cycliste qui reliait Paris à Brest. Le créateur de la course, Pierre Giffard, avait demandé à ce pâtissier de la créer. C'est pourquoi le dessert de forme circulaire s'est appelé évidemment le Paris-Brest. Pourquoi de forme circulaire? Au départ, pour évoquer une roue de vélo, figurez-vous. Et puis en ce qui concerne l'éclair, puisque je vous ai parlé d'éclair au tout début de l'émission, l'origine de son nom est assez incertaine, disons-le. Pour certains, il s'agirait d'une plaisanterie de pâtissier pour qui le gâteau était tellement bon qu'il se mangeait en un éclair. Pour d'autres, c'est sa brillance, évidemment. C'est son glaçage qui rappelle la lumière de l'éclair. Quant à la religieuse, il semblerait qu'elle tire son nom du fait que son glaçage rappelait la couleur des robes des religieuses, tout simplement.